Chapitre 3e. On a souvent ri de la rapidité avec laquelle les enfants passent d'une idée à une autre. Au moment où toute leur attention est concentrée sur un fait, voilà qu'une mouche s'envole et soudain, le cours de leur pensée est modifié, ils oublient ce qui, à la minute précédente, excitait si fort leur intérêt. Des enfants aux hommes, la différence est-elle après tout si grande? L'importance des faits qui détournent l'attention des uns et des autres est en réalité équivalente et a pour mesure commune l'intensité diverse de leurs sensations. La course d'un chat nous laisse indifférents et ne nous trouble pas. Mais une jupe qui passe nous arrache à nos réflexions de l'heure et parfois nous emporte bien loin du chemin que nous suivions. Puis-je dire quelles circonstances m'empêchèrent de donner suite au dessein bien net que j'avais formé de revoir M. Vincent et de l'étudier de plus près? J'en serais fort embarrassé. Des impressions nouvelles, les unes futiles, les autres plus graves, s'étaient superposées à celles-là. À peine si, de temps à autre, le souvenir de l'étrange personnage traversait ma mémoire, mais à la façon d'une vision vague et sans contour précis. Des semaines, des mois, deux années passèrent et amenèrent dans ma situation d'importants changements. Mon père était mort, me laissant une petite fortune amassée sou à sou avec cette ténacité superbe du paysan qui se prive de tout pour assurer l'avenir de l'enfant. La clientèle était venue et j'avais renoncé à mes projets de professorat. Enfin, je m'étais marié et dans les délais légaux, mais rigoureux, je fus père d'une adorable petite fille. On devine si M. Vincent et sa science crime étaient loin de ma pensée. Et encore, les années s'écoulèrent. L'aisance était venue. Mes études sur les maladies nerveuses, mes expériences sur les hystériques avaient fait quelque bruit. Ma fille grandissait de plus en plus adorable et adorée. J'étais heureux et cependant, j'avais une histoire, car les académies accueillaient mes communications et les revues les imprimaient. Une épidémie de choléra m'avait mis définitivement en lumière et m'avait signalé à la bienveillance rubanière du gouvernement. Il y avait justement 10 ans que j'avais passé quelques heures à deviser sur un trottoir avec mon ami et maître Gaston sur le personnage en question, et j'avais oublié jusqu'à son nom, quand le hasard, qui dispose de toute notre vie, me le rappela en des circonstances encore plus bizarres que la première fois. Un de mes confrères, le docteur F., directeur d'une maison de santé, m'écrivit un billet pour me prier de passer chez lui, à loisir, dans le but d'examiner une de ses malades. Me trouvant alors surchargé de besogne, je tardai de quelques jours à me rendre à son invitation. Mais sur une nouvelle lettre plus pressante, je me hâtai d'aller chez lui. Le cas dont il désirait m'entretenir était des plus intéressants et rentrait exactement dans la spécialité des études auxquelles je m'étais voué. Il s'agissait du très curieux phénomène du dédoublement de la personnalité et pendant plusieurs heures, nous nous livrâmes à des expériences d'un intérêt toujours grandissant. Mais craignant de fatiguer la malade outre mesure, nous prîmes rendez-vous pour le lendemain. Nous descendîmes dans le jardin qui précède le magnifique établissement que toute l'Europe connaît et admire, et lentement, mon confrère me reconduisait, me communiquant le résultat de ses observations personnelles sur le sujet que nous venions d'examiner. Au moment où nous allions franchir la grille d'entrée et échanger la poignée de main d'adieu, un petit garçon déboucha d'une allée de laurier et de troène et, courant vers le docteur, se jeta dans ses bras. Celui-ci le souleva et me dit « Monsieur mon fils, 8 ans, une bonne nature. » C'était un très joli enfant, aux traits délicats, mais qui me parut un peu pâle. Je le caressais en songeant à ma petite fille, si rose et si fraîche, et je dis « Pourquoi donc courais-tu si vite? On dirait que tu te sauvais. » Question banale et à laquelle je n'attachais aucune importance. « Oh, c'est pour rire !» fit le gamin. « C'est pour taquiner, Monsieur Vincent. »« Monsieur Vincent » m'écriai-je. « Quel Monsieur Vincent ?» Ce nom avait vibré en ma mémoire comme un coup de clairon. L'enfant répondit avec une certaine irritation. « Pardi, il n'y a qu'un Monsieur Vincent, c'est Papa Gâteau. »« Papa Gâteau. On appelait ainsi un Monsieur Vincent il y avait 10 ans. »« C'est un bien singulier personnage, » ajouta mon confrère. « Serait-ce Vincent Thévenin ? » ?»« Lui-même, vous le connaissez ? » ?»« Il n'est donc pas mort ?» « Ah, vous aussi ?» fit le docteur en riant. « Vous le croyez disparu ?»« Point. 110 à 115 ans, mon cher. Qu'on dise après cela que la folie n'est pas un brevet de longévité. Et depuis quand est-il dans votre maison ?»« Depuis 4 mois environ. » »« Il y est entré en des circonstances bien curieuses que je vous raconterai demain. Car pour aujourd'hui, ma tournée quotidienne me réclame. Il est 6 heures. »« 6 heures ? Moi aussi, je suis en retard. À demain, nous causerons de M. Vincent. »« À vos ordres, cher confrère. » Je me jetai dans ma voiture, dont la portière se referma sur moi. J'étais dans un singulier état d'agitation, mordu d'une indicible curiosité. En une seconde, j'avais revu tout le passé, le petit appartement dans lequel j'attendais patiemment un client trop retardataire, puis la pauvre mère accourant et m'appelant à l'aide, puis ce lit funèbre où gisait la jeune fille. Je me demandais si aujourd'hui, en face du même problème de mort, je serais plus habile qu'alors. Et en vérité, je frissonnais, me disant qu'aujourd'hui comme alors, je ne comprenais rien à cette catastrophe. J'essayais de sauver mon orgueil en supposant que certains symptômes avaient échappé à mon diagnostic qui maintenant me frapperait au premier coup d'œil. Et je sentais que je me mentais à moi-même. Non, je n'avais rien deviné, et fût-ce j'appelé demain dans des conditions identiques, je ne devinerais rien. À cette souffrance d'amour-propre, à ce regret sincère du travailleur, se juxtaposait alors le souvenir de M. Vincent, de cet être falot, presque fantastique, qui vivait, vivait encore, vivait toujours, en dépit de la sénilité abominable qui nous avait si fort troublés, Gaston et moi, alors que nous nous suivions par les rues. Par quel miracle avait-il résisté au poids écrasant d'un siècle auquel venaient encore s'ajouter 10 années? Je me rappelais les paroles inexplicables que m'avait rapportées Gaston. Ma science criminelle centuple l'inégalité terrible qui, dans la lutte pour la vie, fait les vainqueurs et les vaincus. Et aussi ce mot échappait à mon ami comme l'expression d'une idée réflexe, un vampire savant. Ces mots accouplés ne présentaient en réalité aucun sens à mon intelligence, mais je les répétais mentalement avec une sorte d'horreur, comme les termes d'un problème insoluble, expression d'une algèbre inconnue. Jusqu'à mon retour en mon cabinet, il me fut impossible de me soustraire à cette obsession. Par bonheur, le travail, puis les occupations de la soirée, puis le sommeil eurent enfin raison de cet état anormal. Au matin, la hantise s'était évanouie, et de toute cette émotion, je n'avais conservé qu'un prurit de curiosité qui n'avait plus rien de maladif. À l'heure convenue, je me présentai de nouveau chez le docteur F., qui me parut soucieux. L'interrogeant avec un intérêt dicté par la sincère sympathie qu'il m'inspirait, j'appris que depuis quelque temps la santé de son fils lui donnait de vagues inquiétudes. Il coupa court d'ailleurs à ses confidences, repris par la passion du chercheur, et nous nous rendîmes à l'infirmerie auprès du sujet que nous avions déjà examiné la veille. Nous restâmes plusieurs heures absorbés dans l'étude des stupéfiantes manifestations de la catalepsie et de l'hypnotisme. Puis nous revînmes dans le cabinet du docteur afin de coordonner nos observations. « Maintenant, lui dis-je, permettez-moi de vous rappeler que vous m'avez promis hier de me parler plus longuement de votre pensionnaire, M. Vincent. Je ne vous ai pas oublié, et je ferai mieux que de vous exposer mes souvenirs. J'ai l'habitude, à l'entrée de mes clients, de relater par écrit les circonstances intéressantes de notre première entrevue. » Le docteur se leva, ouvrit un carton et en tira quelques feuilles de papier qu'il me remit en ajoutant « Lisez, pendant que je vaquerai à quelques occupations nécessaires. Je reviendrai tout à l'heure. Resté seul, voici ce que je lus. Aujourd'hui, 15 avril 1880 et quelques, à 6 heures du soir, on me présenta la carte d'un visiteur qui réclamait un entretien immédiat. Elle portait ce nom, Vincent de Beausseil de Thévenin, de la faculté de médecine de Paris. J'eus un mouvement de surprise. Comme aliéniste, j'ai dû m'occuper spécialement de l'histoire du magnétisme animal, et je me rappelais avoir été frappé de ce nom, à une époque déjà lointaine. Il me semblait qu'il devait être porté par un contemporain de mon grand-père ou tout au moins de mon père. Je donnai ordre d'introduire immédiatement la personne qui avait remis cette carte, et un instant après, je vis entrer un vieillard portant dans tout son être la trace non équivoque de la décrépitude, quoique sur le visage parcheminé subsistassent des vestiges singuliers d'une fraîcheur inaccoutumée. La marche témoignait encore d'une certaine vigueur. M. Thévenin s'inclina. Je lui rendis son salut en lui désignant un siège, puis je le priai de me faire connaître le motif de sa visite. « Je viens, me dit-il d'une voix qui n'avait point de tremblotement sénile, je viens vous prier de me prendre comme pensionnaire. Oh, payant, bien entendu, ajouta-t-il vivement, comme pour répondre d'avance à une objection possible. Pardon, lui dis-je, mais vous êtes bien le docteur Thévenin? L'ancien élève de Mesmer, l'ami de Puységur, c'est bien moi. Vous devez être très âgé. « J'ai 109 ans. Ne prenez point pour une défaite l'objection que je dois vous faire. Ignorez-vous que ma maison est spécialement destinée aux aliénés ?»« Je le sais, me dit-il. Ma demande n'en est que mieux justifiée. Je suis fou. Bien que je sois accoutumé à bien des excentricités, celle-ci me parut dépasser quelque peu les bornes. « Vous me permettrez d'en douter, lui dis-je, vous me paraissez en possession de toute votre raison. Vous vous trompez, ajouta-t-il avec le même calme. Je suis fou, et j'appuierai sur ce point un des fous les plus dangereux qui existent. Soit, mais puisque vous êtes médecin et des plus savants, je le sais, vous avez sans doute analysé votre état, et pouvez aisément me donner les raisons de votre affirmation si péremptoire. » Il fixait sur moi ses yeux d'une pénétration étrange. Je compris comment, dans la force de l'âge, cet homme avait dû être un des plus fervents et des plus convaincus adeptes du magnétisme. Il garda le silence pendant quelques minutes, se livrant complaisamment en quelque sorte à mon observation. Je repris alors. « En ce moment, sans doute, vous sentez que vous trouvez en ce que, acceptant votre hypothèse, j'appellerai un moment lucide. C'est une erreur. Cependant, je crois avoir quelque expérience, et je ne découvre en vous, en votre physionomie, en votre regard, aucun signe caractéristique de l'aliénation mentale. Les folies les plus dangereuses, dit-il, sont celles que nul œil humain ne peut deviner. » Et il ajouta d'une voix basse à peine perceptible, « Il y a 50 ans que je suis fou, et personne parmi les plus savants n'a soupçonné mon état. Mais enfin, cette folie, m'écriai-je, en quoi consiste-t-elle? Avez-vous des visions? Évoquez-vous les morts? Croyez-vous être Mahomet ou Jésus-Christ? Êtes-vous de verre? N'êtes-vous pas vous-même? « Je suis, reprit-il nettement, l'homme qui peut ne pas mourir et qui, jusqu'à ce jour, ne l'a pas voulu. Ainsi, selon vous, c'est grâce à votre seule volonté que vous êtes parvenu à vivre 110 ans, c'est cela. Vous possédez des moyens infaillibles pour prolonger la vie humaine, non pas la vie d'autrui, mais la mienne. « Le grand œuvre, m'écriai-je, la pierre philosophale, point d'alchimie, dans le sens où vous l'entendez. Et ce moyen, êtes-vous disposé à me le faire connaître ?» Je constatais maintenant que j'avais affaire à un genre spécial de monomanie résonante, et je m'efforçais de pousser le sujet plus avant sur son propre terrain. « Je ne puis rien vous dire, reprit-il, sans s'émouvoir, pour 2 motifs. Lesquels ? Le premier, c'est qu'en vous dévoilant mon secret, je courais grand risque, en l'état actuel de la société, d'être traité comme un des pires criminels. Mais vous-même, vous reconnaissez-vous coupable ? Non, en raison des lois supérieures de la lutte pour la vie. Oui, en face des préjugés répugnants. Avez-vous tué ? Oui, me répondit-il sans hésiter. Vos crimes ont-ils été découverts ? Non. Ont-ils donné lieu à des poursuites contre des innocents ? Non. Cependant, vos victimes, que sont-elles devenues ? Les avez-vous fait disparaître ? Non. Et nul ne s'est aperçu qu'elles étaient mortes de mort violente ? Personne. La folie se caractérisait de plus en plus. Vous m'avez parlé de 2 motifs qui vous imposaient le silence. Quel est le second ? Je me tais, reprit-il d'un accent solennel, parce que de 2 choses l'une, ou, connaissant mon secret, vous seriez impuissant à vous en servir, ou, étant parvenu à en user, vous commettriez les crimes que j'ai commis. Sans doute, fis-je en souriant, quelques préparations vénéneuses qui ne laissent aucune trace, ne cherchez pas, vous ne pourriez trouver. D'ailleurs, coupons au court. Je viens chez vous, aliéniste, et je vous dis, je suis fou, fou dangereux, voulez-vous m'interner ? Une entrée volontaire vous donnerait droit à une sortie volontaire. Je ne puis vous admettre chez moi qu'à la condition d'avoir toute autorité sur vous. Pour cela, il vous faudra vous soumettre à l'examen de 2 médecins dont le certificat sera ma garantie. Acceptez-vous cette condition ? Oui, mais à mon tour, je pose mes conditions. Je vous écoute. Mon but en entrant chez vous est de mourir. Tant que je serai libre, je suis sûr de vivre, n'ayant pas le courage de ne point user de mon secret. Ici, je ne pourrai le faire, et alors la nature agira seule. J'exige d'être traité comme vos autres pensionnaires, à cette seule différence près que personne du dehors ne sera admis auprès de moi. Avez-vous des parents, des amis ? Je suis seul, tout seul. Nul n'a autorité sur moi. Je puis vous assurer que votre désir sera respecté, à moins que l'administration supérieure n'exige votre comparution. Oh, cela m'importe peu. Donc, que personne, en dehors de vous et de vos infirmiers, ne parvienne jusqu'à moi. D'autre part, je puis vous affirmer que nul ne s'apercevra de ma folie, que je n'aurai ni accès de fureur, ni fantaisie excentrique. D'ailleurs, si vous observez fidèlement le traité que nous signons ici, dans 3 mois, je serai mort. Vous savez que la surveillance exercée par les gardiens écarte toute possibilité de suicide. Oh, ils ne pourront rien contre moi. Vous savez encore qu'avant d'être interné dans le local que vous aurez choisi, vous serez fouillé, visité si exactement qu'il vous sera impossible de conserver n'importe quelle substance vous permettant de vous donner la mort. On ne me dépouillera pas de mes 110 ans, fit-il en souriant pour la première fois depuis le début de notre entretien. Je connais la provision de vie qui reste en moi, 12 semaines environ. Toute discussion étant inutile, je n'avais plus qu'à accepter mon étrange client, qui fixa lui-même des prix très élevés, en échange desquels il réclamait un grand confortable. Ici se terminait le manuscrit du docteur. En marge était inscrite cette note, pavillon 2, numéro 17. J'avais lu ces lignes avec un intérêt profond, et quand j'eus terminé, j'éprouvais un sentiment de désappointement. Monsieur Vincent restait pour moi non moins énigmatique que par le passé. Mon confrère rentra. « Eh bien, me demanda-t-il, que pensez-vous de l'ancien mesmérien ?»« Je ne sais trop quoi vous répondre. Il y a là une folie peu ordinaire. » « Mais j'y songe. Monsieur Thévenin est entré ici le 15 avril et nous voici au 10 septembre. Or, il est encore vivant. Son diagnostic infaillible l'a donc trompé. Absolument. Comment s'est-il comporté depuis qu'il est votre hôte ?»« Comme interné, je n'en ai jamais rencontré de plus docile, ni d'un commerce plus agréable. Il s'est prêté d'abord de la meilleure grâce à l'examen de deux de mes confrères, qui n'ont pas hésité à confirmer mon diagnostic de monomanie. C'était en fait un exemple assez banal de rectitude raisonnante sur tous les points, sauf un seul. Donc, sa situation étant régularisée, je n'eus plus d'autre but que de lui rendre ces dernières années, ou ces derniers mois, aussi agréables que possible. Je l'ai installé dans un pavillon isolé, avec un jardin assez spacieux. Deux infirmiers sont attachés spécialement à son service. Il s'est composé une bibliothèque scientifique des plus curieuses et paraît travailler. Un seul détail prouve le dérangement d'esprit. Pendant 15 jours de suite, il a passé plusieurs heures étendu nu sur la terre. Il m'avait d'ailleurs prévenu, ajoutant qu'il tentait une expérience. Comme c'était en juin, pendant une période réellement caniculaire, je ne crus pas devoir m'y opposer. Il y renonça bientôt de lui-même. Mais sa santé, sa vieillesse. Pendant le premier mois, je ne remarquai en lui aucun changement. Mais à partir du milieu de mai, les symptômes de décrépitude commencèrent à se manifester, et quand, en juin, il fit sa très singulière expérience, je crus véritablement qu'il avait bien prévu la date de sa mort en la fixant à 3 mois. Quand l'accès de nudité, passez-moi l'expression, fut passé, nous reprîmes nos relations ordinaires. J'avoue que j'ai rarement rencontré chez un de mes confrères autant d'érudition et de hardiesse dans les aperçus. Si cet homme n'avait pas la double monomanie du magnétisme et de ce que j'appellerais sa prétendue volonté vitale, je le proclamerais un des plus grands savants d'aujourd'hui. Vers les premiers jours de juillet, je m'aperçus que ses forces déclinaient de plus en plus, sans d'ailleurs que la lucidité de son esprit diminuât. Seulement j'avais pitié, je l'avoue, de ce centenaire, seul, abandonné de tous, et qui passait ses dernières journées assis sur un fauteuil, cherchant le soleil revivifiant. Je m'aperçus un jour qu'il adorait les enfants, et j'amenai mon petit garçon auprès de lui. Je ne saurais vous décrire l'expression de joie qui éclaira son visage. Si je ne l'eusse aussi bien connu, j'aurais été presque effrayé de la lueur qui tout à coup passa dans ses yeux. Quant à mon petit Georges, sa sympathie n'hésita pas. Il courut à lui comme s'il l'eût connu depuis longues années. Ce fut une amitié subite, comme on conçoive souvent les enfants. Et depuis lors, il n'est pas de jour où Georges ne passe plusieurs heures auprès de lui. L'effet de cette distraction a été tel sur le centenaire qu'en vérité, depuis lors, il semble avoir retrouvé une nouvelle jeunesse. Oui, c'est comme un sang restauré qui coule dans ses veines. Sa maigreur a disparu et je ne m'étonnerai pas qu'il lui fait un bail prolongé avec la vie. C'est une organisation étonnante. Mais ne me disiez-vous pas, lorsque je suis arrivé, que votre fils vous causait de son côté quelque inquiétude ? Oh, un peu de faiblesse, la fatigue de l'été, et puis la croissance. Je suis tranquille. Il y a 2 mois, il avait trop de fraîcheur. Cela reviendra. Depuis quelques instants, j'étais saisi du désir de revoir ce singulier personnage que j'avais aperçu seulement dans des circonstances assez bizarres. J'en fis part à mon confrère. Mais il me fit observer que l'engagement pris par lui s'opposait à ce qu'il y satisfit. Ne s'était-il pas formellement interdit d'introduire auprès de M. Vincent toute personne qui ne ferait pas partie du personnel de l'établissement ? Je n'avais qu'à m'incliner. Je n'insistais pas. et je pris congé de mon confrère, bien résolu d'ailleurs à écarter définitivement de mon esprit les idées incohérentes, presque folles, qui me hantaient douloureusement. Oui, j'avais en moi je ne sais quelle épouvante inexpliquée qui tenait du vertige. Comme Pascal, je voyais un gouffre ouvert devant moi et au fond, tout au fond, j'apercevais une face ricanante qui avait les traits de l'élève de Mesmer.